Avant que le passé plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière et que l'on m'expliquât un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre quelquefois tout ce qui nous doit arriver. Il me semblait que j'étais dans un vaisseau sur une mer bien agitée et que... Seigneur Ganarel, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous jouir. Je n'entends rien du tout au songe. Quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différentes, vous pourrez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt. Et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami! Un lignard de toute bonne discipline, bannissable de la République des Lettres! Ah bon, en voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par livraison que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. La querelle contre quelqu'un. Seigneur! Tu veux te mêler de raisonner et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de boire. Seigneur! C'est une grande position condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on ait fort irrité. Je. Tato, Cello, Totavia, Aberas. Je baisse les mains à monsieur le docteur. Serviteur. Peut-on. J'ai vu ce que tu as fait. Un syllogisme et une balordeau. Je vous. La majeure en est inepte, la mineure impertinente, et la conclusion. Ah, ridicule! Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Oui, je défendrai cette proposition. Pognis et Dalsibus, Unquibus et Frostro. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. N'écoute encore. Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Mais puis-je demander ce que c'est? Ah, Seigneur Scannarel, tout est renversé aujourd'hui, et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. C'est quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel? Que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau? Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme! D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut donc dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui! Ignorant que vous êtes! C'est comme il faut parler! Et ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité! Je pensais que tout fut perdu. C'est dans une colère que je ne me sens plus! Non, mais laissez la forme et le chapeau en paix! J'ai quelque chose à vous communiquer. Il y a bien fait. Oh, mais de grâce, remettez-vous. Ignorant! Vouloir soutenir une proposition de la sorte. Ah, mais il a tort. Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai. En termes exprès. Vous avez raison, oui. Vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est. Je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est jeune et bien faite. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais en l'épousant, je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier comme philosophe de me dire votre sentiment. Hein? Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur vacuum in rerum natura, que je ne suis qu'une vache! Ah, la peste soit de l'homme! Hé, hey, monsieur le docteur, écoutez un peu les gens. On vous parle une heure durant et vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Mon pardon, une juste colère m'occupe l'esprit. Ouais, laissez tout cela et prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Tut. Il me semble que je n'irai pas chercher la langue de mon voisin. Je vous demande de quel idiome, de quel langage. Oh, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. Espagnol? Non. Anglais? Non. Allemand? Non. Latin? Non. Grec? Non. Hébreu? Non. Syriaque? Non. Turc? Non. Arabe? Non, non. Français. Français! Passez donc de l'autre côté, car cet oreille-ci est destiné pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie, sans doute. Oh, pardonnez-moi. Voulez-vous peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être? Mais pas du tout. Si la logique est un art ou une science? Je ne sais pas cela. Si elle a pour objet les trois opérations de l'esprit ou la troisième seulement? Non. S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une? Point. Si la conclusion est de l'essence du syllogisme? Mais oui. Si l'essence du bien est mise dans l'appétibilité ou la convenance? Non. Si le bien se réciproque avec la fin? Non. Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou son être intentionnel? Non, non, non, non, non, non, non. De par tous les diables. Le nom. Mais expliquez votre pensée, car je ne puis la deviner. Je vous l'avais expliqué aussi, mais il faut m'écouter. La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée, tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses. De même, nos paroles sont les portraits de nos... Des portraits, non distingués partout de leurs originaux, et que la parole enferme en soi son original, puisqu'elle est autre chose que la parole expliquée par un signe extérieur. D'où vient que tous ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent mieux. Qu'elle est repensée par la parole, qui est plus intelligible de tous les signes. Peste de l'homme! La parole est amine index et speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour expliquer votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute parler! Je dis donc, monsieur le docteur... Mais surtout, soyez prêt. Je le sais. Évitez la prolixité. Prêt, monsieur. Franchez-moi votre discours d'un apophtègme à la cognette. Je vous... Point d'embâche, de circonlocution. Oh. Allez. Et quoi, vous vous emportez? Allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faut faire la figure d'un chapeau dans la forme. Et je vous prouverai, en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, et par argument une barbara que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore. Et que je suis, in utro qui iure, docteur Pancras. Quel diable de bête. Homme de lettres, homme d'érudition, homme de suffisance, homme de capacité, homme consommé de ressources naturelles, morales et politiques. Homme savant, savantissime, per omnes, pendant cette casus. Homme qui possède superlative femme, mythologie, histoire, grammaire, poésie, rhétorique, dialectique, sophistique, optique, mathématique, physique, architecture spéculoire, spéculatoire, astrologie, astronomie, médecine, astrologie, astronomie, thermoscopie, chiromancie, géomancie, etc., etc., etc. Au diable les savants, ils ne veulent pas écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Et peut-être la forme d'un chapeau. Il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Oh. Hola. Hola! Que voulez-vous de moi, Seigneur Scalarel? Seigneur docteur! Attends. J'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien, il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Scalarel, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble? Oui. Et parbleu, il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est. Ah, ce n'est pas une conséquence et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là, il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Que diable! Vous vous moquez! Me voilà! Et vous voilà bien nettement! Il n'y a pas de me semble à tout cela. Non, laissons ces subtilités, je vous en prie, et parlons de mon affaire.